Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur FrenchPod. Aujourd'hui nous avons une nouvelle leçon de niveau Advanced Media. Voilà, niveau média avancé pour vous. Salut Amaury. Salut Christella. Ça va bien ? Très très bien aujourd'hui. Un article très intéressant. Tout à fait, puisque ça touche à la culture. Et ça touche aussi toutes les générations. Ouais, petits et grands. Petits et grands, et on va parler d'un phénomène, le phénomène de fin d'année 2008 et 2009. On en a entendu beaucoup parler. C'est Twilight. On va expliquer par la suite un peu plus en détail ce qu'est Twilight. Pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Mais tout d'abord, on va dire nos sources. L'article dont on va parler aujourd'hui est extrait du quotidien Le Monde. Qu'on a déjà utilisé ici pour les leçons de niveau médias avancés. Mais pour rappel, donc Le Monde est un quotidien national français de centre-gauche et donc qui paraît l'après-midi. Et ça fait pas mal de temps qu'il paraît en France puisqu'il a été fondé à la fin de l'année 1944. Exactement. Alors l'article dont on va parler aujourd'hui est sorti le 14 janvier 2009. Et a pour titre Twilight sur les traces d'Harry Potter. Alors qu'est-ce qui se passe ? En fait, il semblerait que l'histoire se répète en quelque sorte, mais que cette fois, tout ne part pas de l'Angleterre, mais des États-Unis. Voilà, où on dirait qu'il y a un nouveau phénomène littéraire qui est apparu en 2005. Exactement, et l'histoire semble se répéter dans le sens où ces livres qui ont été écrits par une mère au foyer étaient destinés en fait à de jeunes adultes, à un public assez jeune, et en fait ils touchent les plus jeunes comme les moins jeunes. Et le succès est devenu tellement grand, tellement phénoménal, que Twilight a été adapté au cinéma. En tout cas, le premier livre, le premier tome a été adapté au cinéma. Voilà, comme Harry Potter. À la différence près qu'ici, on a affaire à 4 bouquins qui ont été écrits par Stephanie Meyer, donc cette américaine. Exactement. Alors que pour la successorie de J.K. Rowling, c'était 7 livres pour Harry Potter. Ouais, et alors c'est vrai qu'il y a pas mal de points similaires, puisque ici, l'histoire touche aussi au fantastique, parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre un vampire et une humaine. Une jeune femme. Une jeune femme, oui. Et donc Twilight, qui a été traduit en français par Fascination, rencontre un très grand succès. Et c'est l'histoire de ce succès que Le Monde a choisi de raconter dans l'article d'aujourd'hui. Oui, alors pour s'intéresser à l'article d'un peu plus près, le journaliste dit ici que le film Twilight, qui est sorti récemment, enfin cet été aux États-Unis, mais qui vient de sortir en fait en France, ce film a dopé encore un peu plus les ventes des livres, qui étaient déjà pas mauvaises, hein. Mais depuis la sortie du film, le nombre de livres de la série Twilight qui se vendent s'est encore accentué. Il y en a encore de plus en plus qui se sont vendus. C'est dans ces cas-là qu'on peut dire qu'un événement a dopé les ventes. Voilà, a boosté les ventes. Ouais. Et en fait, la success story de Twilight, elle s'est faite également grâce au bouche à oreille. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, étant donné qu'il n'y a pas eu besoin de tant de publicité que ça. Il y a eu du bouche à oreille, notamment sur Internet, c'est-à-dire les gens qui font circuler des informations, qui en parlent, par exemple, à leurs amis, à leurs connaissances, à leurs collègues. J'aime bien cette expression parce qu'elle est vraiment très imagée. Donc, il y a quelque chose qui sort de la bouche de quelqu'un qui atterrit dans l'oreille d'une autre. Et le cycle continue. Cette personne qui a reçu l'information va en parler à quelqu'un d'autre, qui va entendre cette information, la trouver intéressante et la transmettre. Ouais, c'est le cas pour, tu vois, les petits films qui n'ont pas tellement de budget, en tout cas qui n'ont pas les moyens d'avoir de grosses campagnes marketing, mais généralement, ils peuvent quand même rencontrer un certain succès grâce aux bouche-oreilles, parce que les gens ont trouvé ça formidable et ils en parlent les uns aux autres, dire tiens, t'as vu ça, va voir ça, va voir ça. Et c'est un film intéressant, ça vaut vraiment les tours. Donc le bouche-oreille, ça marche. Voilà, à tel point qu'une éditrice qui travaille dans l'une des plus grandes maisons d'édition françaises a dit « On aurait pu faire toutes les têtes de gondole du monde, on ne serait jamais parvenu à un tel résultat. » Alors je dois vous avouer que ce mot « tête de gondole », je ne l'avais jamais vu avant. J'ai lu l'article et je me suis dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'une tête de gondole ?» Alors j'ai pas fait d'études de marketing, mais Amaury tu en as fait. Et tu m'as dit que c'est un mot qui est fréquent dans le jargon marketing. Alors qu'est-ce qu'une tête de gondole, s'il te plaît Amaury ? C'est tout simplement les produits qu'on met en évidence, en tête ou à la fin d'un rayon, dans un magasin ou un supermarché, et donc que l'on voit immédiatement. Quand les produits sont mis en tête de gondole, ils sont plus facilement vus par les clients, les consommateurs. Donc il y a une négociation qui se fait entre les personnes qui possèdent le magasin et les représentants commerciaux des produits qui veulent avoir une place de choix dans le magasin et pouvoir vendre plus. Mais Twilight n'a pas eu besoin de ça. Voilà, et donc ensuite, le journaliste décide de raconter l'histoire de la création de Twilight, de cette série de romans. Et il donne des détails concernant Stephanie Meyer, qui a eu cette idée à un moment. Une véritable illumination, un rêve en fait. Ça vient d'un rêve, c'est fou. Et donc Stephanie Meyer a eu l'impression qu'elle avait eu tellement une bonne idée qu'elle n'a pas pu s'empêcher de la coucher sur le papier. Voilà, c'est-à-dire de la mettre à l'écrit. Ouais. Littéralement, de coucher cette idée sur le papier, de l'écrire. Ouais. Et donc rapidement, elle rencontre un agent littéraire et décroche un contrat. Donc félicitations, c'était les premiers pas vers la gloire. Ouais. Décrocher un contrat, c'est tout simplement obtenir un contrat, quelque chose dont beaucoup d'artistes, d'écrivains rêvent. C'est vraiment pas facile dans ce milieu-là, ouais. Ouais, vraiment. Donc elle a réussi à obtenir un contrat pour 3 livres, moyennant 750 000 dollars. Donc c'est que l'éditeur était vraiment intéressé. Oui, parce qu'elle venait de nulle part en fait. Son nom n'était pas connu et c'était les premiers livres qu'elle écrivait. Tout à fait. Mais donc l'agent littéraire ou l'éditeur là, il a eu du flair. Il a bien vu qu'elle avait un potentiel, cette femme. Puisque Twilight s'est catapulté très rapidement au 5e rang de la liste des meilleures ventes pour jeunes adultes du New York Times. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et se catapulter au 5e rang de la liste des meilleures ventes, c'est vraiment que c'est intéressant, quoi. Réussir à arriver à cette place, le 5e rang de la liste des meilleures ventes, surtout être reconnu par le New York Times, c'est quand même un signe de succès. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a quand même eu des critiques qui n'ont pas été tendres avec elle. Oui, qui disaient par exemple que le dialogue était trop dramatique, que l'intrigue n'était pas assez étoffée, que l'intrigue n'avait pas assez de corps, de substance, qu'il n'y avait pas assez d'éléments dans l'intrigue. Mais qu'importe, ça a plu au lecteur, ça continue à plaire au lecteur. Et ce sont les maisons d'édition qui se frottent les mains. Ouais. Qui se frottent les mains parce qu'elles sentent qu'elles vont pouvoir faire des bénéfices, engranger des bénéfices grâce à Twilight. Et notamment pour la maison d'édition française Hachette, c'est la plus grande maison d'édition française. 5e maison d'édition au monde. Qui a les droits d'édition aux États-Unis et en France. Hachette a fait coup double, a fait d'une pierre deux coups. Dans le cas suivant, Hachette a réussi à faire des bénéfices non seulement aux États-Unis, mais aussi en France. Et donc cette maison d'édition a fait coup double. Elle a fait d'une pierre deux coups. Oui, mais ils avaient les droits pour cet auteur dans les deux pays à 100%. Alors donc, que va-t-il se passer pour la suite pour Twilight? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a 4 romans qui ont été publiés. Le premier film qui est sorti, je pense que d'autres films vont suivre. Va-t-il avoir un 5e roman? Il y a encore beaucoup de suspense, on ne sait pas encore, vu qu'il y a une mésaventure qui est quand même arrivée à l'auteur. Ouais, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé là. Parce que quand même, elle a dévoilé de manière privée son 5e roman. Le manuscrit de son 5e roman. Et bizarrement, il s'est retrouvé sur Internet. Et donc débitée, elle a préféré arrêter le projet de publier ce 5e roman. Voilà, mais en tout cas, il semblerait qu'une encyclopédie, Twilight, soit en préparation. Tout ça dans le but de sevrer les fans de la série. Alors j'aime bien ce mot sevrer, parce que le mot sevrer, il est utilisé en général dans le domaine de la toxicomanie. Pour désintoxiquer, en fait, un toxicomane, quelqu'un qui est accro à la drogue, on dit qu'on va le sevrer, c'est-à-dire peu à peu lui donner des doses, mais un peu moins fortes, de temps en temps. Et là, c'est utilisé dans ce sens-là, c'est-à-dire que les fans, ils vont pas être satisfaits. Si Stéphanie Meyer s'arrête au 4e roman, ils auront besoin d'une toute petite dose. Donc l'encyclopédie Twilight va sans doute voir le jour. On verra comment ça va se passer. Et donc les fans ne seront peut-être pas totalement déçus et ils auront la possibilité de lire leur auteur préféré. Et une dernière petite note qu'on voulait donner par rapport à l'article ici, c'est que le journaliste dit avec raison que Stéphanie Meyer fait d'emblée référence à J.K. Rowling. D'emblée, ça veut dire immédiatement. Tout de suite. Oui. Et donc elle fait tout de suite référence à J.K. Rowling quand on parle du succès qu'a eu son livre, ce qu'on peut comprendre tout à fait. Il est même dit dans l'article, les enfants du monde entier sont désormais prêts à lire des romans de plus de 500 pages et les adultes se sont mis à lire des livres pour enfants. Donc toi, Maury, tu m'as dit que tu n'as jamais lu aucun des livres Harry Potter. Mais c'est terrible parce que moi, je ne lis pas assez. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'aime dire aux gens, lisez, surtout il faut lire un maximum. C'est tellement agréable, c'est tellement enrichissant. Mais malheureusement, je n'applique pas assez ces bons conseils à ma personne. Et non, je ne lis pas assez. Donc malheureusement, je n'ai pas lu Harry Potter et je n'ai pas lu Twilight ni Le Seigneur des Anneaux. T'as jamais lu Le Seigneur des Anneaux, Amaury? Mon non, Dieu, je peux t'assurer que si tu commences, tu vas pas pouvoir t'arrêter. J'ai de grandes carences. Il y a beaucoup d'auteurs que je n'ai pas lus comme ça. Il y a énormément d'auteurs que j'aimerais lire. Comme je le disais, il faut lire un maximum. Ça ouvre l'imagination. Oui, voilà, ça ouvre l'esprit aussi. Et puis des fois, on a simplement envie de s'évader, d'aller dans un autre monde. Et vraiment, la science-fiction, c'est vraiment idéal pour ça. Et puis surtout, d'admirer l'imagination que certains auteurs peuvent avoir. Je suis une grande fan de Tolkien et honnêtement, je trouve que certains auteurs font preuve d'un génie impressionnant quand il s'agit de créer de nouveaux univers, de nouveaux personnages et d'imaginer d'autres mondes, d'autres façons de vivre. C'est clair. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous êtes fan de science-fiction, je pense qu'il y a un auteur qui vous plaira aussi. Il s'appelle Bernard Werber. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Un auteur français. Un auteur français, exactement. Si vous avez l'occasion, vous pouvez lire la trilogie des fourmis. Qui a eu un énorme succès en France. Succès qui, à mon humble avis, est très largement justifié. Donc, t'as eu les trois tomes ? Oui, ça, les fourmis et puis d'autres livres de cet auteur. En tout cas, c'est bien, de plus en plus de gens se mettent à la lecture. Donc, plus de lecture est égal à moins de télé. Si vous voulez débattre de cette question, n'hésitez pas à venir sur le site frenchpod.com et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page qu'on va créer pour la leçon Advance Media d'aujourd'hui. Et qui comportera le lien vers l'article du Monde, bien sûr. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle leçon Média Avancée. Voilà, on vous attend pour vos commentaires concernant Twilight, Harry Potter, les fourmis, le Seigneur des Anneaux. Oui, le Seigneur des Anneaux. Venez laisser vos commentaires. Salut, à bientôt. Au revoir tout le monde.